Ceci est un audio généré issu de l'article FMI, Sauveur des pays pauvres ou machine à les tenir en laisse, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Il existe une organisation que presque personne ne peut vraiment expliquer, mais qui influence la vie de milliards de gens. Cette organisation s'appelle le Fonds monétaire international, ou FMI. Officiellement, elle aide les pays en crise. Pourtant, dans la réalité, beaucoup d'économistes et de chercheurs y voient une machine à fabriquer de la dépendance, de l'austérité et des transferts de richesses vers les pays riches. Plusieurs études et documentaires l'ont montré en détail, comme le film Life and Death sur la Jamaïque ou les analyses de Debt Justice sur la Grèce. 1. Le mythe du FMI secouriste. Sur le papier, le FMI ressemble à un pompier financier. Il intervient quand un pays traverse une crise de balance des paiements, une chute brutale de sa monnaie ou une fuite massive de capitaux. Dans ces moments, il prête de l'argent, propose un programme et promet un retour à la stabilité. L'histoire officielle commence à Bretton Woods en 1944, quand les États-Unis et le Royaume-Uni lancent cette institution pour stabiliser le système monétaire international après la guerre. Cependant, dès qu'on plonge dans les cas concrets, le décor change. Les prêts du FMI ne viennent jamais seuls. Ils arrivent avec une liste de conditions, souvent dures, toujours très politiques. Ce sont les fameux programmes d'ajustement structurel. Et ces programmes suivent un schéma qui revient presque partout. Plusieurs économistes parlent d'une recette unique, appliquée de Kingston à Athènes, comme le souligne une note de Debt Justice sur les programmes imposés à la Jamaïque et à d'autres pays très endettés. En théorie, ces conditions visent la réforme et la modernisation. En pratique, elles ouvrent les économies fragiles à une extraction de richesses massives. Elles frappent surtout les services publics, les salaires et les filets sociaux. En parallèle, elles protègent en priorité les créanciers étrangers. Le visage réel du FMI commence ici, moins un médecin qu'un huissier très bien habillé. 2. Les vraies conditions, dévaluation, coupe, privatisation. Quand un pays arrive au FMI, la scène se répète presque toujours. Le gouvernement demande un prêt parce qu'il n'a plus d'options. Ensuite, le FMI accepte, mais il pose ses conditions. Celles-ci figurent dans des letters of intent et des memoranda que les chercheurs dissèquent depuis des années. Globalement, on retrouve quatre grands piliers. Ce ne sont pas des détails techniques. Ce sont de vrais choix de société. 2.1 Dévaluation et choc sur la population. Première exigence, la dévaluation de la monnaie. Officiellement, cette mesure rend les exportations plus compétitives et relance la croissance. En réalité, elle fait exploser le prix des importations. Quand la monnaie perd 50% de sa valeur, le coût de la nourriture, de l'énergie et des médicaments double presque du jour au lendemain. La population paye alors la facture immédiatement. Des documents sur la Jamaïque rappellent par exemple comment la dévaluation imposée dans les années 1980 a fait bondir le coût du service de la dette, ce qui a forcé des coupes massives dans les dépenses sociales, comme le montre le dossier pédagogique lié au film Life and Debt. 2.2 Austérité budgétaire et services publics sacrifiés. Deuxième pilier, l'austérité budgétaire. Le FMI demande une réduction rapide du déficit. Il exige des gels de salaires, des licenciements publics et des coupes dans la santé, l'éducation ou les retraites. Une étude sur la Jamaïque souligne que, pendant des années, le pays a consacré deux fois plus d'argent au remboursement de la dette qu'à l'ensemble éducation plus santé. Pendant ce temps, les écoles perdaient des enseignants et les hôpitaux manquaient de médicaments, comme l'explique cette analyse de Vanderbilt University sur les effets des ajustements structurels en Jamaïque. 2.3 Privatisation radée et dérégulation totale. Troisième vol, la privatisation des entreprises publiques. Les programmes recommandent la vente des compagnies d'électricité, d'eau, de télécom, parfois même des banques et des mines. Ces ventes se déroulent souvent en pleine crise, quand les actifs se bradent. Des organisations qui suivent ces dossiers décrivent comment des infrastructures construites sur des décennies avec l'argent des contribuables passent aux mains d'investisseurs étrangers pour une fraction de leur valeur réelle. Enfin, quatrième volet, la dérégulation et l'ouverture totale des marchés. On baisse les droits de douane, on supprime les contrôles de capitaux et on libéralise le secteur financier. Officiellement, cela attire l'investissement et renforce la confiance. En réalité, cela met les industries locales face à des géants mondiaux, tout en facilitant la fuite de capitaux à la moindre alerte. Ainsi, ce cocktail crée rarement une économie solide. Il installe plutôt une économie vulnérable, dépendante des flux financiers internationaux. 3. Jamaïque, Argentine, Grèce, 3 laboratoires de l'austérité. 3.1 Jamaïque, la dette avant l'école et l'hôpital. Pour comprendre le vrai visage du FMI, rien ne vaut des cas précis. Prenons d'abord la Jamaïque. Ce petit pays des Caraïbes est souvent cité comme élève modèle de l'ajustement structurel. Pourtant, un documentaire entier, Life and Debt, montre comment ces programmes ont cassé la société jamaïcaine. Le film raconte la fermeture d'usines textiles, la ruine d'agriculteurs locaux face aux produits importés et la baisse violente des dépenses publiques. Des données compilées par des ONG soulignent qu'entre 1970 et 2010, la Jamaïque a remboursé plus d'argent qu'elle n'en a reçu, tout en restant coincée avec un niveau de dette très élevé. Les hôpitaux manquaient de matériel. Les écoles peinaient à fonctionner. Une note de Dette Justice et plusieurs articles de recherche parlent même d'une crise de développement liée au programme du FMI dans l'île. 3.2 Argentine, du bon élève à l'effondrement de 2001. Deuxième cas, l'Argentine. Dans les années 1990, le pays applique presque à la lettre le manuel du FMI. Il engage des privatisations massives, une dérégulation rapide, un ancrage monétaire rigide et une ouverture financière très large. Pendant un temps, le pays devient le bon élève de Washington. Les rapports officiels saluent les réformes courageuses. Pourtant, en 2001, tout s'effondre. La croissance se retourne. Les banques ferment. La monnaie explose. La pauvreté dépasse 50% de la population. Des analystes de think tanks comme Eurodad ou la Cerreview expliquent comment les programmes du FMI ont contribué à fragiliser l'économie argentine avant la crise, puis ont tardé à reconnaître leurs erreurs, comme le rappelle cette analyse sur l'Argentine, le FMI et la dette publiée par Eurodad. 3.3 Grèce, un quart du PIB parti en fumée. Troisième terrain de test, la Grèce. Après 2010, la fameuse Troïka, Commission européenne, Banque centrale européenne, FMI, impose une cure d'austérité historique. Les pensions baissent de 30 à 40%. Les salaires publics chutent. Les impôts augmentent fortement. En parallèle, la dette, elle, ne diminue pas vraiment. Le pays perd environ 25% de son PIB. Le chômage dépasse 25% et atteint plus de 50% chez les jeunes, comme le montrent plusieurs analyses sur la dépression grecque, par exemple celle de Dette Justice ou de médias internationaux. Un briefing sur la Grèce résume la situation en une phrase glaciale : l'économie a été sacrifiée pour sauver les banques créancières, comme l'explique ce document de Dette Justice sur le troisième plan d'aide grecque qui ne résout rien. Dans ces trois cas, un schéma commun apparaît. Les populations paient un prix social énorme. Les services publics s'effondrent. Les chiffres de la pauvreté explosent. Pourtant, les créanciers étrangers, eux, récupèrent l'essentiel de leur mise. Le sauvetage ressemble donc surtout à un sauvetage des banques et des investisseurs. 4. Un pouvoir verrouillé par le Nord, le colonialisme financier moderne. Pour comprendre pourquoi ce modèle se répète, il faut regarder qui commande vraiment au FMI. Le pouvoir de vote dépend des contributions financières, les fameux quotas. Les pays riches, logiquement, possèdent les plus gros quotas. Cependant, le déséquilibre dépasse le simple poids économique. Une analyse de l'Institut Tricontinental rappelle que les pays du Nord global disposent d'environ 9 fois plus de pouvoir de vote que ceux du Sud global. Les États-Unis, à eux seuls, détiennent environ 16 à 17% des voix. Or, les décisions les plus importantes exigent 85% de majorité. Concrètement, Washington possède donc un veto de fait sur les décisions stratégiques, comme le souligne une note de recherche sur la représentation et le droit de veto au sein du FMI. Des documents de politique publique expliquent par exemple que toute modification du système de vote nécessite cette fameuse barre de 85% que les États-Unis peuvent empêcher d'atteindre. À cela s'ajoute une tradition non écrite. La direction du FMI revient toujours à un Européen, alors que la présidence de la Banque mondiale échoit à un Américain. Depuis 1944, aucun pays du Sud n'a dirigé l'une de ces deux institutions. Des travaux académiques parlent d'un bipôle transatlantique qui garde la main sur l'agenda et la doctrine. Dans ce cadre, les programmes imposés aux pays en développement ressemblent moins à une aide désintéressée qu'à une forme de colonialisme financier. On ne colonise plus par les armes. On colonise par la dette, les conditions et la menace du marché. 5. Le cycle sans fin de la dette et ceux qui ont dit non. 5.1 Le piège de la dette éternelle. Un pays qui sort vraiment de la dette devient moins contrôlable. Le système préfère donc les débiteurs chroniques. Beaucoup d'analyses sur la dette souveraine montrent le même cycle, crise, près du FMI, austérité, récession, baisse des recettes, nouvelle crise, puis nouveau prêt. Ainsi, la boucle se referme. Des chiffres sur la Jamaïque illustrent bien ce piège. Le pays a reçu environ 18,5 milliards de dollars de prêts et a déjà remboursé plus de 19,8 milliards, mais il doit encore plusieurs milliards, à cause des intérêts cumulés, comme le rappelle une synthèse de Dette Justice sur la situation jamaïcaine. Des statistiques sur l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine montrent la même mécanique, ces régions ont remboursé plus qu'elles n'ont reçu, tout en restant très endettées. Des ONG résument cela comme un transfert net de ressources du sud vers le nord. On parle de trillions de dollars en quelques décennies. Une newsletter récente souligne par exemple que la structure de vote du FMI et la logique de ses prêts contribuent à maintenir ce flux de richesses vers les banques et investisseurs des pays riches, renforçant les inégalités mondiales, comme l'explique ce bulletin du Tricontinental sur le pouvoir du Nord global au FMI. 5 points de Chine, Russie, Bolivie, Équateur, ceux qui ont résisté. Pourtant, certains pays ont choisi une autre voie. La Chine a remboursé ses dettes au FMI dans les années 1980, puis a gardé un contrôle strict sur ses capitaux et ses secteurs stratégiques. La Russie a soldé ses comptes avec le fonds au milieu des années 2000, avant de renationaliser des secteurs clés et de renforcer ses réserves. De leur côté, des pays comme la Bolivie ou l'Équateur ont audité leurs dettes. Ils ont contesté les portions jugées illégitimes, renégocié ou refusé certains paiements, tout en augmentant les dépenses sociales. Des études sur ces cas explorent comment ces stratégies ont permis de regagner une marge de souveraineté économique, même au prix de tensions avec les marchés et les institutions internationales. Ainsi, ces exemples montrent qu'il existe des chemins alternatifs, même s'ils restent politiquement coûteux. 6. Ce qu'on peut apprendre de tout ça. Alors, le FMI est-il vraiment les pays pauvres? Les faits racontent plutôt une autre histoire. Ces programmes sauvent souvent les créanciers bien plus que les citoyens. Ils stabilisent parfois certains indicateurs macroéconomiques, mais au prix d'une instabilité sociale énorme. Ils protègent le système financier global, pas forcément les populations les plus fragiles. Des critiques venues d'ONG, d'universitaires, mais aussi d'anciens responsables de ces institutions, réclament depuis des années une transformation radicale des règles du jeu. Cela ne veut pas dire que chaque technicien du FMI agit avec de mauvaises intentions. Beaucoup croient sincèrement appliquer la bonne doctrine. Cependant, le problème se situe plus haut. Il tient à la structure de pouvoir, aux droits de veto, aux dogmes économiques imposés comme des vérités universelles, alors qu'ils servent surtout les intérêts du Nord global. Tant que ces points ne changent pas, la logique de colonialisme financier restera au cœur du système. La bonne nouvelle, c'est que cette logique n'est pas une fatalité. Les pays peuvent auditer leurs dettes, coopérer entre eux, diversifier leurs partenaires, renforcer leur souveraineté monétaire et leurs filets sociaux. Les citoyens, eux, peuvent refuser le récit simpliste du FMI sauveur. Ils peuvent lire, regarder des documentaires comme Life and Debt, suivre le travail d'ONG spécialisées sur la dette et exiger plus de transparence sur ces accords qui engagent leur avenir. Comprendre le vrai visage du FMI, ce n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est un premier pas pour sortir du rôle de débiteur obéissant et reprendre un peu de pouvoir sur son destin collectif.